et lentement, sans même se retourner, il rentra, rejoignit son complice auprès de M. Tesselbach et lui dit « Nous sommes fichus, c'est Gourel, de la sûreté !» L'autre empoigna son couteau, il lui saisit le bras. « Pas de bêtises, hein, j'ai une idée, mais pour Dieu, comprends-moi bien Marco et parle à ton tour. Parle comme si tu étais Tesselbach. Tu entends Marco? Tu es Tesselbach. » Il s'exprimait avec un tel sang-froid et une autorité si violente que Marco comprit, sans plus d'explication, qu'il devait jouer le rôle de Tesselbach, et prononça de façon à être entendu. « Vous m'excuserez, mon cher. Dites à M. Gourel que je suis désolé, mais que j'ai affaire par-dessus la tête. Je le recevrai demain matin, à 9h, oui, à 9h exactement. »« Bien, » souffla l'autre. « Ne bouge plus. » Il revint dans l'antichambre. Gourel attendait. Il lui dit « Monsieur Tesselbach s'excuse. Il achève un travail important. Vous est-il possible de venir demain matin à 9h ?» Il y eut un silence. Gourel semblait surpris et vaguement inquiet. Au fond de sa poche, le poing de l'homme se crispa. Un geste équivoque et il frappait. Enfin, Gourel dit « Soit. À demain, 9h, mais tout de même. Eh bien, oui, 9h, je serai là. » Et, remettant son chapeau, il s'éloigna par les couloirs de l'hôtel. Marco, dans le salon, éclata de rire. « Rudement fort, le patron, ah, ce que vous l'avez roulé. Débrouille-toi, Marco, tu vas le filer. S'il sort de l'hôtel, lâche-le, retrouve Jérôme aux omnibus comme c'est convenu, et téléphone. » Marco s'en alla rapidement. Alors, l'homme saisit une carafe sur la cheminée, se versa un grand verre d'eau qu'il avala d'un trait, mouilla son mouchoir, baigna son front que la sueur couvrait, puis s'assit auprès de son prisonnier et lui dit avec une affectation de politesse « Il faut pourtant bien, monsieur Tesselbach, que j'ai l'honneur de me présenter à vous. » Et, tirant une carte de sa poche, il prononça « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. » Section 2. Le nom du célèbre aventurier sembla faire sur monsieur Tesselbach la meilleure impression. Lupin ne manqua pas de le remarquer et s'écria « Ah ah, cher monsieur, vous respirez. Arsène Lupin est un cambrioleur délicat, le sang lui répugne. Il n'a jamais commis d'autre crime que de s'approprier le bien d'autrui. Une peccadille, quoi. Et vous vous dites qu'il ne va pas se charger la conscience d'un assassinat inutile. D'accord. Mais votre suppression sera-t-elle inutile? Tout est là. En ce moment, je vous jure que je ne rigole pas. Allons-y, camarade. » Il rapprocha sa chaise du fauteuil, relâcha le bâillon de son prisonnier et nettement. « Monsieur Tesselbach, le jour même de ton arrivée à Paris, tu entrais en relation avec le nommé Barbareux, directeur d'une agence de renseignement confidentielle, et comme tu agissais à l'insu de ton secrétaire Chapman, le sieur Barbareux, quand il communiquait avec toi par lettre ou par téléphone, s'appelait le colonel. Je me hâte de te dire que Barbareux est le plus honnête homme du monde. » Mais j'ai la chance de compter un de ses employés parmi mes meilleurs amis. C'est ainsi que j'ai su le motif de ta démarche auprès de Barbareux, et c'est ainsi que j'ai été amené à m'occuper de toi et à te rendre, grâce à tes fausses clés, quelques visites domiciliaires, au cours desquelles, hélas, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. » Il baissa la voix et, les yeux dans les yeux de son prisonnier, scrutant son regard, cherchant sa pensée obscure, il articula « Monsieur Tesselbach, tu as chargé Barbareux de découvrir dans les bas-fonds de Paris un homme qui porte, ou a porté, le nom de Pierre le Duc, et dont voici le signalement sommaire. Taille 1m75, blond, moustache. Signe particulier, à la suite d'une blessure, l'extrémité du petit doigt de la main gauche a été coupée. En outre, une cicatrice presque effacée à la joue droite. Tu sembles attacher à la découverte de cet homme une importance énorme, comme s'il pouvait en résulter pour toi des avantages considérables. Qui est cet homme? Je ne sais pas. » La réponse fut catégorique, absolue. Savait-il ou ne savait-il pas? Peu importait. L'essentiel, c'est qu'il était décidé à ne point parler. « Soit, » fit son adversaire. « Mais tu as sur lui des renseignements plus détaillés que ceux que tu as fournis à Barbareux. » « Aucun. Tu mens, monsieur Tesselbach. Deux fois devant Barbareux, tu as consulté des papiers enfermés dans l'enveloppe de Maroquin. En effet. Alors cette enveloppe, brûlée. » Lupin tressaillit de rage. Évidemment, l'idée de la torture et des commodités qu'elle offrait traversa de nouveau son cerveau. « Brûlée? Mais la cassette, avoue donc qu'elle est au Crédit Lyonnais. » « Oui. Et qu'est-ce qu'elle contient ?»« Les 200 plus beaux diamants de ma collection particulière. » Cette affirmation ne sembla pas déplaire à l'aventurier. « Ah ah! Les 200 plus beaux diamants, mais dis donc, c'est une fortune. » « Oui, ça te fait sourire, pour toi c'est une bagatelle. » Et ton secret vaut mieux que ça. Pour toi, oui, mais pour moi. » Il prit un cigare, alluma une allumette qu'il laissa éteindre machinalement, et resta quelque temps pensif. immobile. Les minutes passaient. Il se mit à rire. « Tu espères bien que l'expédition ratera et qu'on n'ouvrira pas le coffre ?»« Possible, mon vieux. Et alors, il faudra me payer mon dérangement. »« Je ne suis pas venu ici pour voir la tête que tu fais sur un fauteuil. Les diamants, puisque diamants il y a, sinon l'enveloppe de maroquin, le dilemme est posé. » Il consulta sa montre. « Une demi-heure, bigre, le destin se fait tirer l'oreille. Mais ne rigole donc pas, monsieur Kesselbach. Foi d'honnête homme, je ne rentrerai pas bredouille. Enfin !» C'était la sonnerie du téléphone. Lupin s'empara vivement du récepteur et, changeant le timbre de sa voix, imitant les intonations rudes de son prisonnier. « Oui, c'est moi, Rudolf Kesselbach. Ah, bien, mademoiselle, mettez-moi en communication. C'est toi, Marco? Parfait. Ça s'est bien passé? À la bonne heure, pas d'accroc? Compliment, l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé? La cassette d'ébène? Pas autre chose? Aucun papier? Tiens, tiens. Et dans la cassette? Sont-ils beaux, ces diamants? Parfait, parfait. Une minute, Marco, que je réfléchisse. Tout ça, vois-tu? Si je te disais mon opinion, tiens, ne bouge pas. Reste à l'appareil. Il se retourna. Monsieur Kesselbach, tu y tiens, tes diamants? Oui. Tu me les rachèterais? Peut-être. Combien? 500 000? 500 000, oui. Seulement voilà, Luc. Comment se fera l'échange? Un chèque? Non, tu me roulerais, ou bien je te roulerais. Écoute, après demain matin, passe au Lyonnais, prends tes 500 billets, et va te promener au bois, près d'Auteuil. Moi, j'aurai les diamants. Dans un sac, c'est plus commode. La cassette se voit trop. Kesselbach sursauta. Non, non, la cassette, je veux tout. Ah, fit Lupin, éclatant de rire. Tu es tombé dans le panneau. Les diamants, tu t'en fiches, ça se remplace. Mais la cassette, tu y tiens comme à ta peau. Eh bien, tu l'auras ta cassette, foi d'Arsène. Tu l'auras demain matin par colis postal. Il reprit le téléphone. Marco, tu as la boîte sous les yeux? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? De l'ébène, un crucé d'ivoire, oui, je connais ça, style japonais, faubourg Saint-Antoine. Pas de marque? Ah, une petite étiquette ronde bordée de bleu et portant un numéro. Oui, une indication commerciale. Aucune importance. Et le dessous de la boîte est-il épais? Pas très épais. Bigre. Pas de double fond, alors. Dis donc, Marco. Examine les incrustations d'ivoire sur le dessus, ou plutôt non, le couvercle. Il exulta de joie. Le couvercle, c'est ça, Marco. Kesselbach a cligné de l'œil, nous brûlons. Ah, mon vieux Kesselbach. Tu ne voyais donc pas que je te guignais, fichu maladroit. Et revenant à Marco. Eh bien, où en es-tu? Une glace à l'intérieur du couvercle? Et si elle glisse? Y a-t-il des rainures? Non? Eh bien, casse-la. Mais oui, je te dis de la casser. Cette glace n'a aucune raison d'être, elle a été rajoutée. Il s'impatienta. Mais, imbécile, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, obéis. Il dut entendre le bruit que Marco faisait, au bout du fil, pour briser le miroir, car il s'écria triomphalement. Qu'est-ce que je te disais, monsieur Kesselbach, que la chasse serait bonne? Allô, ça y est, eh bien, une lettre! Victoire! Tous les diamants du cap est le secret du bonhomme! Il décrocha le second récepteur, appliqua soigneusement les deux plaques sur ses oreilles, et reprit. Lis, Marco, lis doucement. L'enveloppe d'abord, bon. Maintenant, répète. Lui-même répéta. Copie de la lettre contenue dans la pochette de maroquin noir. Et après, déchire l'enveloppe, Marco. Vous permettez, monsieur Kesselbach. Ça n'est pas très correct, mais enfin. Vas-y, Marco. Monsieur Kesselbach t'y autorise. Ça y est? Eh bien, lis. Il écouta, puis ricanant. Fichtre, ce n'est pas aveuglant. Voyons, je résume. Une simple feuille de papier, pliée en quatre, et dont les plis paraissent tout neufs. Bien, en haut à droite de cette feuille, ces mots. 1m75, petit doigt gauche coupé, etc. Oui, c'est le signalement du sieur Pierre le Duc. De l'écriture de Kesselbach, n'est-ce pas? Bien. Et au milieu de la feuille, ce mot, en lettres capitales d'imprimerie, A-P-O-O-N. Apoun. Marco, mon petit, tu vas laisser le papier tranquille. Tu ne toucheras pas à la cassette ni au diamant. Dans 10 minutes, j'en aurai fini avec mon bonhomme. Dans 20 minutes, je te rejoins. Ah, à propos, tu m'as envoyé l'auto? Parfait. À tout à l'heure. Il remit l'appareil en place, passa dans le vestibule, puis dans la chambre, s'assura que le secrétaire et le domestique n'avaient pas desserré leurs liens et que d'autre part, ils ne risquaient pas d'être étouffés par leur bâillon, et il revint vers son prisonnier. Il avait une expression résolue, implacable. « Fini de rire, Kesselbach. Si tu ne parles pas, tant pis pour toi. Es-tu décidé ?»« À quoi ?»« Pas de bêtises. Dis ce que tu sais. Je ne sais rien. »« Tu mens ? Que signifie ce mot, apoun ?»« Si je le savais, je ne l'aurais pas inscrit. » Soit, mais à qui, à quoi se rapporte-t-il? Où l'as-tu copié? D'où cela te vient-il? Monsieur Kesselbach ne répondit pas. Lupin reprit, plus nerveux, plus saccadé. « Écoute, Kesselbach, je vais te faire une proposition. Si riche, si gros monsieur que tu sois, il n'y a pas entre toi et moi tant de différence. Le fils du chaudronnier d'Augsbourg et Arsène Lupin, prince des cambrioleurs, peuvent s'accorder sans honte, ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, je vole un appartement, toi, tu voles en bourse. Tout ça, c'est kiff-kiff. Donc, voilà, Kesselbach. Associons-nous pour cette affaire. J'ai besoin de toi, puisque je l'ignore. Tu as besoin de moi, parce que tout seul, tu n'en sortiras pas. Barbareux est un niais. Moi, je suis Lupin. Ça colle ?» Un silence. Lupin insista d'une voix qui tremblait. « Réponds, Kesselbach. Ça colle ?»« Si oui, en 48 heures, je te le retrouve, ton Pierre-le-Duc. Car il s'agit bien de lui, hein. C'est ça l'affaire. Mais réponds donc. Qu'est-ce que c'est de cet individu? Pourquoi le cherches-tu? Que sais-tu de lui ?» Il se calma subitement, posa sa main sur l'épaule de l'Allemand et d'un ton sec. « Un mot seulement. Oui ou non ?»« Non. » Il tira du gousset de Kesselbach un magnifique chronomètre en or et le plaça sur les genoux du prisonnier. Il déboutonna le gilet de Kesselbach, écarta la chemise, découvrit la poitrine et, saisissant un stylet d'acier à manche niellée d'or qui se trouvait près de lui sur la table, il en appliqua la pointe à l'endroit où les battements du cœur faisaient palpiter la chair nue. « Une dernière fois !»« Non, monsieur Kesselbach, il est 3h08. Si dans 8 minutes vous n'avez pas répondu, vous êtes mort. » Section 3. Le lendemain matin, à l'heure exacte qui lui avait été fixée, le brigadier Gourel se présenta au Palace Hôtel. Sans s'arrêter et dédaigneux de l'ascenseur, il monta les escaliers. Au 4e étage, il tourna à droite, suivit le couloir et vint sonner à la porte du 415. Aucun bruit ne se faisant entendre, il recommença. Après une demi-douzaine de tentatives infructueuses, il se dirigea vers le bureau de l'étage. Un maître d'hôtel s'y trouvait. « Monsieur Kesselbach, s'il vous plaît. Voilà 10 fois que je sonne. Monsieur Kesselbach n'a pas couché là. Nous ne l'avons pas vu depuis hier après-midi. Mais son domestique, son secrétaire, nous ne les avons pas vus non plus. Alors, eux non plus n'auraient pas couché à l'hôtel ? Sans doute. Sans doute. Mais vous devriez avoir une certitude. Pourquoi ? Monsieur Kesselbach n'est pas à l'hôtel ici, il est chez lui, dans son appartement particulier. Son service n'est pas fait par nous, mais par son domestique. Et nous ne savons rien de ce qui se passe chez lui. En effet... Gourel semblait fort embarrassé. Il était venu avec des ordres formels, une mission précise, dans les limites de laquelle son intelligence pouvait s'exercer. En dehors de ces limites, il ne savait trop comment agir. « Si le chef était là, murmura-t-il, si le chef était là... » Il montra sa carte et déclina ses titres. Puis il demanda à tout hasard. « Donc, vous ne les avez pas vus rentrer ?»« Non. » « Et vous les avez vus sortir ?»« Non plus. » « En ce cas, comment savez-vous qu'ils sont sortis ?» Par un monsieur qui est venu hier après-midi au 415. Un monsieur à moustache brune ? Oui, je l'ai rencontré comme il s'en allait vers 3 heures. Il m'a dit « Les personnes du 415 viennent de sortir. Monsieur Kesselbach couchera ce soir à Versailles, au réservoir, où vous pouvez lui envoyer son courrier. » Mais quel était ce monsieur ? À quel titre parlait-il ? Je l'ignore. Gourel était inquiet. Tout cela lui paraissait assez bizarre. Vous avez la clé ? Non. Monsieur Kesselbach avait fait faire des clés spéciales. « Allons voir !» Gourel sonna de nouveau furieusement. Rien. Il se disposait à partir quand, soudain, il se baissa et appliqua vivement son oreille contre le trou de la serrure. « Écoutez, on dirait, mais oui, c'est très net. Des plaintes, des gémissements. » Il donna dans la porte un véritable coup de poing. « Mais, monsieur, vous n'avez pas le droit !»« Je n'ai pas le droit !» Il frappait à coups redoublés, mais si vainement qu'il y renonça aussitôt. « Vite, vite, un serrurier !» Un des garçons d'hôtel s'éloigna en courant. Gourel allait de droite à gauche, bruyant et indécis. Les domestiques des autres étages formaient des groupes. Les gens du bureau de la direction arrivaient. Gourel s'écria. « Mais pourquoi n'entrerait-on pas par les chambres contiguës ? Elles communiquent avec l'appartement ?»« Oui, mais les portes de communication sont toujours verrouillées des deux côtés. »« Alors, je téléphone à la sûreté, » dit Gourel, pour qui, visiblement, il n'existait point de salut en dehors de son chef. « Au commissariat, observa-t-on. » « Oui, si ça vous plaît !» répondit-il du ton d'un monsieur que cette formalité intéresse peu. Quand il revint du téléphone, le serrurier acheva d'essayer ses clés. La dernière fit jouer la serrure, Gourel entra vivement. Aussitôt, il courut à l'endroit d'où venaient les plaintes et se heurta aux deux corps du secrétaire Chapman et du domestique Edwards. L'un d'eux, Chapman, à force de patience, avait réussi à détendre un peu son baillon et poussait de petits grognements sourds. L'autre sembla dormir. On les délivra, Gourel s'inquiétait. Et monsieur Kesselbach ? Il passa dans le salon. Monsieur Kesselbach était assis et attaché au dossier du fauteuil près de la table. Sa tête était inclinée sur sa poitrine. Il est évanoui, dit Gourel en s'approchant de lui. Il a dû faire des efforts qui l'ont exténué. Rapidement, il coupa les cordes qui liaient les épaules. D'un bloc, le bus s'écroula en avant. Gourel l'empoigna à bras le corps et recula en poussant un cri d'effroi. « Mais il est mort ! Tâté ! Les mains sont glacées et regardez les yeux !» Quelqu'un hasarda. « Une apoplexie sans doute ou une rupture de l'anévrisme ?» En effet, il n'y a pas de trace de blessure. C'est une mort naturelle. On étendit le cadavre sur le canapé et l'on défit ses vêtements. Mais tout de suite, sur la chemise blanche, des taches rouges apparurent. Et dès qu'on l'eut écarté, on s'aperçut qu'à l'endroit du cœur, la poitrine était trouée d'une petite fente par où coulait un mince filet de sang. Et sur la chemise était épinglée une carte. Gourel se pencha. C'était la carte d'Arsène Lupin, toute sanglante elle aussi. Alors Gourel se redressa, autoritaire et brusque. « Un crime ! Arsène Lupin, sortez ! Sortez tous ! Que personne ne reste dans ce salon ni dans la chambre ! Qu'on transporte et qu'on soigne ces messieurs dans une autre pièce ! Sortez tous ! Et qu'on ne touche à rien ! Le chef va venir !» Fin du chapitre 1